Bonjour Armand. Comment vient? Bonjour Armand. Qu'est-ce qu'il a? Mais rien. Depuis qu'on lui a dit qu'ils étaient jolis, il passe tout le temps son temps les pieds nus. Il est complètement à faune. Ah, bien. Non, mais comme il y a déjà 3 jours de ça, je comprends tout ce qu'il dit, je te traduirai. Merci. Il dit d'ailleurs rarement quelque chose d'intéressant. Chut. Il n'y a pas de quoi. Polo est ici? Dans ta chambre. Ah, oh. Et comment va-t-il? Est-ce qu'il se console un peu d'avoir perdu sa collinette? Bah, tu sais... Toujours aussi triste. Ah oui, ça, oui. Plus que triste, abruti. Oh. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais rien, il dit oh, tu vois, c'est très intéressant. Non, je t'en prie, t'occupe pas de lui. Occupe-toi de Polo. Ah, bah, je ne fais que ça. Et je t'assure, c'est pas une sinécure. Oh, bah, pourtant, il n'est pas malade. Oh, c'est pire. Et c'est épouvantable pour moi parce que je me sens tout de même responsable. Bah, oui. Quoi que vous ayez pensé, tous les deux, je suis une gentille. Et je suis désolée de voir le résultat de ma franchise. Bah, tu peux. Aussi, je suis bien contente d'y remédier dans la mesure du possible. Mais seulement, ça fait 8 jours que je suis de service la nuit. Et je vous le dis franchement, je n'en peux plus. C'est à votre tour. Tu sais, moi, je suis tellement occupé. Moi, je suis d'abord. Ben oui, il dit que... Oh, ben, j'ai compris. Il peut pas non plus. Non plus. C'est gay. Enfin, Polo est tellement gentil. Bon, est-ce que tu peux tenir jusqu'à mercredi? Oui. Parce que si tu veux mercredi, moi, je prendrai la suite. Traduit? Oh non, monsieur, c'est trop embarrassant. Comme il sait que tu n'entends rien, il se permet tout. Oh, ça, j'avoue, je sais pas comment te demander ça. Je crois que j'ai deviné. Ah bon, bah, tant mieux. Et la réponse est non. Pas une fois? Pas une. Polo? Oh. Mais tu lui as présenté la petite rouquine. Oh, bien sûr. Et alors? Pendant 2 heures, elle nous a parlé de Colinette. Elle a failli me gifler. Oh là. Quant à moi, c'est bien simple. Ça ne me vexe pas, remarquez. Moi, je suis amoureuse de Lionel. Ça ne me vexe pas, mais je trouve tout de même ça insensé. Il m'a même pas regardée. Oh. Même pas regardée? Le premier soir, j'ai voulu mettre un paravent entre nous. Il m'a demandé pourquoi. Il t'a demandé pourquoi? Il m'embrasse sur le front. C'est dégoûtant. Et il baille quand je me déshabille. Oh. Il est foutu. Il est foutu. Il ne pense qu'à elle, même la nuit, elle est tous ses rêves. Est-ce qu'il travaille un peu tout de même? Bon, que veux-tu qu'il fasse dans la journée après 10 nuits pareil? Il est crevé. Évidemment. D'autant plus qu'il ne se contente pas des nuits et qu'il la revoit dans la journée. Non. Ce n'était pas assez des rêves. Depuis avant-hier, il se fait aussi des hallucinations. Des hallucinations? Il la voit vraiment, il lui parle, mais comme si elle était là. Il lui dit des petites choses gentilles et bouleversantes. C'est très dangereux, ça. Je ne crois pas. J'en ai parlé au docteur Tellier, ce ne sont pas de vraies hallucinations. C'est plutôt un excès d'amour. Il a tellement envie de la voir qu'il y arrive. Ses neurones ne sont pas altérés. Il n'est pas atteint de Vézanie. Hein? Oh. Tant mieux. Mais on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Il faut absolument essayer de retrouver Colinette. Ah oui, mais tu sais bien que c'est impossible. Que Lionel et elle ont disparu. À qui le dis-tu? Et sans me dire un mot. Un homme que j'aime depuis toujours. Il te demande si Polo fait encore des chapeaux. Ah, quelques-uns et oui. Très jolis, mais qui ne voient personne. Mais tel que je connais mon Pauline, il va être furieux. Un peu, oui. Polo prétend que ce sont des chapeaux pour Colinette. Quelle tête a-t-elle donc? Tiens! Mais voilà notre Polo! Mais il a bonne mine, notre Polo! Hein? Il est parfait, notre Polo! Hein? Mais qu'est-ce que je veux, Polo? Mais pas du tout, il va très bien, mais je m'entends le. Ça y est, je deviens sourd aussi. Je vois trop et je n'entends plus. Mais non, il est à faune, il a pris froid. Parce que tu m'as emporté. Ah, j'aime mieux ça. Tu vois? C'est épouvantable. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je m'en vais. Ou plus exactement, je fous le camp. Je fuis. Où vas-tu? J'en sais rien. Ah ben alors, tu as le temps. Les plus pressés sont les gens qui ne vont nulle part. Très juste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit très juste. Ouais. J'ai un train à 11h12. Je vais toujours le prendre, je verrai bien où je m'arrêterai. Mais tu as tort. Es-tu sûr que Colinette n'est pas rentrée ou qu'elle ne va pas rentrer aujourd'hui ou demain? Sûr. Son mari non plus, d'ailleurs. Il file probablement le parfait amour quelque part. Tu crois? Eh oui. Il n'est même pas question de leur retour. C'est une lune de miel à son premier quartier. Ah. Ça Seulement, j'en ai un peu assez d'attendre et d'espérer. Mais vous espérez. Non, quoi? Il faut toujours espérer. Non, laissez-moi. Comment est-ce que je vous en Si tu me parles à contre-jour, comment veux-tu que je sache ce que tu dis? Tu dis qu'est-ce que c'est? Toujours Ah, ça y est, j'ai compris, c'est un proverbe. Ah, tu trouves que c'est le moment de faire des proverbes? Ah non, mais c'est pour te remonter le moral. Il dit, faut toujours espérer, l'heure la plus noire n'a quand même que 60 minutes. Très joli proverbe. Faux d'ailleurs, comme la plupart des proverbes. Bon, fait qu'arranges-tu en temps d'alors? Oh, rien, ça, rien. Seulement, je ne l'attendrai plus, je me dirai plus, c'est aujourd'hui qu'elle va venir, c'est aujourd'hui qu'elle me pardonne. Mais elle n'avait rien à te pardonner. Oh, mais ta gueule! On entend que toi. Je m'en vais. Je pourrais au moins espérer qu'elle est venue pendant mon absence et qu'elle ne m'a pas trouvé. Oui, quelle satisfaction, hein. Mais alors, la seule qui me reste. D'autant plus que mes rêves se détraquent. Oh, ils se détraquent pas tant que ça. Oui, oh, bien sûr, il y a encore de bons moments. Oh, oui, ça. Oui, des moments à crier de bonheur. Ah, d'ailleurs, tu cries. Seulement depuis deux ou trois jours, tout ça se détraque, j'arrive plus à suivre. Par exemple, cette nuit. Oh, tu vas pas me dire que t'as pas compris ton rêve de cette nuit? Ah, la fin, si, la fin. La fin était très claire. Ah, oui, oui, très oui, clair. Oui, bien sûr, à partir du moment où Colinette a été dans mes bras, j'ai tout compris, naturellement. Ah, la bonne heure. Tiens. Tu connais quelque chose à l'inconscient, toi? Attends, moi, j'ai potassé ma clé des songes comme tout le monde, hein. Alors, écoute. J'étais sur une grève. Au soleil couchant, et je m'embêtais ferme, comme toujours dans ces cas-là, lorsque Colinette est arrivée. Elle portait un chapeau. Tiens, celui-là, je l'ai refait de mémoire. C'est très joli. C'est très nouveau. À nouveau, je te crois. Il est l'année prochaine. Je te donnerai le modèle pour ta collection. Ah ben, je te remercie. Non, mais le rêve. Ah oui, alors voilà. En jouant avec les cailloux de la plage, j'en ai lancé un en l'air. Qui s'est mis à monter. Et je ne sais pas comment, nous nous sommes subitement retrouvés assis dessus. Rien de plus naturel. Et chaque fois qu'il menaçait de redescendre, Colinette jetait un de ses bijoux et nous repartions de plus belle. Forcément. Jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés aux portes d'une ville bleue. Où je savais que nous avions toujours voulu entrer. En effet, toutes les nuits, tu parles de la ville bleue. Malheureusement, le gardien ne voulait pas de nous. Les gardiens, tous les mêmes. Alors moi, je lui disais, mais si vous voulez pas de nous, tuez-nous au moins. Mais naturellement. Hein, c'est ce que t'aurais fait. Mais lui, il voulait rien savoir. Il nous disait, non, pas si bête, vous seriez bien contents. Ah. Alors le caillou s'est mis à retomber, et nous nous sommes retrouvés assis sur le caillou, dans mon lit. Seul. Non. Non, Colinette était encore là. C'est ça. Et non, la suite est sans intérêt. C'est très clair. Ah? C'est très clair. Ça veut dire qu'elle t'adore. Pourquoi? Ah ben parce que c'est... D'abord, les rêves en couleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, tu crois? Oui. Ça, le caillou qui tombe, c'est pas très bon. Mais comme il tombe dans un lit, ça veut dire que tout s'arrange. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il rit. Non, crois-moi, mon vieux, il n'y a plus qu'une solution. Le train de 11h12. Mais c'est extraordinaire, ça. T'arrives pas à oublier cette femme? Mais je ne fais que ça, mon vieux. Je l'oublie de toutes mes forces. Toute la journée, je me répète, oublions-la. Seulement, que veux-tu? Ça m'y fait penser. Mais ça ne te fait pas... Tu n'as pas peur de souffrir? T'as trouvé. L'embêtant, c'est que ça m'embête pas de souffrir. Ben c'est sûrement ça. Parce que cette femme, tu l'as connue une heure en tout dans ta vie. Il me semble que tu devrais l'oublier normalement. Oh. Je parie que si tu voulais... Paries encore? Je te demande pardon. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on peut prouver qu'on n'a pas trompé sa femme, qu'on n'a pas tué, qu'on n'a pas volé. Mais comment peut-on prouver qu'on n'a pas parié? Je n'aime pas quand il a ce regard-là. Enfin, peut-être qu'avec l'air de la campagne, ça s'arrangera. Ah, que dira-t-on, Pauline? Oh, ça alors? Oh, bah tu n'es pas millionnaire, tu devrais y songer. Je ne le sais que trop. Oh, parle, dis vite quelque chose. Moi? Allons, voyons, Colinette. L'alcoolinette. Laissez-moi passer. Alors voyons, ne faites pas l'enfant. Trop tard, ça y est, ça recommence. Les hallucinations. Vous n'aviez qu'à venir avant. C'est... Maintenant, c'est trop tard. Je pars, c'est décidé. Laissez-moi passer. Je veux le réveiller. Oh non, gardez-vous en bien, elle est comme un somnambule au bord d'une gouttière. Faites ce que vous voulez, moi je prends le train de 11h12. Bien rétorqué. Comment non? Mais je vous assure bien que si. Elle veut pas qu'il prenne le train de 11h12. Bien écoutez, j'avais compris. Je vous ai attendu un mois, il me semble que c'est correct. Maintenant ça serait de la bêtise. Là il a raison. Pardon. Permettez. Je voudrais finir mes bagages. Est-ce que c'est intéressant? Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas venu avant? L'orgueil. Alors moi, j'ai pas le droit d'avoir un peu d'amour propre? Elle est gentille. Vous voulez-vous laisser ça? Oh! Elle veut lui prendre sa chemise! Voulez-vous me faire le plaisir de lâcher ça? Oh! Mais vous allez me déchirer ma chemise! Ah, mais oui! Ne vous laissez pas! Vous êtes bien avancé maintenant, hein? Colinette, allons, voyons, laissez ça! Colinette, voyons, non, je vous... Les Colinettes, vous allez laisser ça! Voulez-vous que... Ah, oh! Oh, ben voilà, alors. J'ai le pouce écrasé. Oh, mais quelle brute, cette petite, hein! Mais à la fin, voulez-vous en venir? Mais on pourrait peut-être les laisser seuls tous les deux. Ouais. Mais moi, je veux bien rester. Donnez-moi une raison. Menteuse! Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Oh, mais. Mais pourquoi alors? Oh! Pourquoi? Mais pourquoi quoi, c'est agaçant! Mais criez pas comme ça, je ne suis pas sourd! Oh! Elle veut lui planquer une gifle, c'est révoltant! Bon, ben. C'est entendu. Je partirai pas encore. Hein? Ça y est, on l'a eu. Pardon? Qu'est-ce que. Passe-rose? Et pourquoi passe-rose? On parle! Allô? Mais ne fais pas l'eau comme une andouille! Bon, ben. C'est entendu. Je lui dirais de ne rien dire. Ah non, pardon, vous permettez? Permettez que je vous raccompagne? Ah si, ben, je vous en prie. Je suis pas un mufle, tout de même. Oh. Mes hommages. Toujours tes pieds. Faut qu'il aime rudement tout de même pour inventer des histoires pareilles. Oh, oui. Alors il ne partira plus? Oh, bien sûr que non. Enfin, par contre, nous partons. Vous avez raison, vous ne verrez rien de mieux aujourd'hui. Oh, madame, je merci, je demande à Tim. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, on s'en fout. Je n'osais pas sonner. Bonjour, madame. Bonjour, Colinette. Bonjour, madame. Mais ne tremble pas comme ça, idiot! Il est encore là? Polo! Oui, madame. Oh, il n'est pas encore parti. Tu savais qu'il voulait partir? Non. Mais ce matin, j'étais tranquillement avec maman à Ville d'Avray lorsque j'ai eu... Comment dire? Le pressentiment qu'il allait s'en aller. Et qu'il fallait que je sois ici avant 11h. Ah bon, vous avez eu le pressentiment? Oui, j'ai pris le premier train, mais j'avais peur d'arriver trop tard. Vous voyez, il faisait sa valise. Mais en effet, mais comme vous lui avez dit... Non, quand il a vu que vous jetiez sa chemise en l'air... Je jetais sa chemise en l'air? Mais non, c'est... Vous comprenez, c'est très difficile à expliquer. Ça, je vous avoue que je ne comprends pas très bien. Mais il a eu une hallucination. Bon, ben il va tout vous expliquer. Il arrive. Ah! du particulier. Mais alors, j'étais pas venu de l'eau, le poulet. Mais... Oh, le bout de tout. Et puis, vous devez... Les hommes. Les hommes. Il est à faune. Ces messieurs ne se disent pas l'essentiel. Polo ne part plus. Oh, merci, Armand. Il t'attendait, il t'attend, il t'attendra. Tu crois? Voulez-vous nous laisser seuls? Mais bien volontiers. Oh, mais, oui, mais tout ça, c'est inutile, madame. Sans vous, n'est-ce pas, madame? Nous vous laissons. Allez, passe, Caruso! Je le comprends, tu es vraiment belle. Quoi? Depuis que je vis avec lui, je te vois mieux. Tu vis avec lui? Mais ma parole, tu es jalouse. Tu habites chez Polo? Oui. Il était triste, seul. Alors tu as voulu le consoler? Moi? C'est ta spécialité, d'ailleurs. Tu essayais déjà de consoler Lionel, avant qu'il soit triste par précaution. Comme tu es injuste. Tu l'as consolé? Non, rassure-toi. Il soupire pour toi, parle de toi, rêve de toi. Ah, il rêve? Oui. Oh, ce sont d'ailleurs les seuls bons moments qu'il ait. Comment le sais-tu? Je couche dans sa chambre. Fais pas cette tête-là. Il s'est installé sur le divan. Sur le divan? Le premier soir, j'ai voulu mettre un paravent entre nous. Il m'a demandé pourquoi. Il t'a demandé pourquoi? Il baille quand je me déshabille. Oh, quel chou! Oui, oui, quel chou. Tu sais que je t'ai toujours beaucoup aimé, Armande. Oui, je sais. Armande! Je vais lui dire que tu es là. Non, non, je t'en prie. Comme tu voudras. Armande, il faut répondre! Il y a une façon de mettre mal ton rouge. C'est ravissant. Alors, gentille. Gentille. Merci pour lui. Armand! Armand! Où as-tu foutu la bouche? Ça y est, ça recommence. Bonjour. Ah non, écoutez, non, hein. Vous n'allez pas revenir toutes les cinq minutes comme ça m'esquinte, moi. Quoi? Oui, vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure. Moi? Oui, vous. Faites pas l'étonner. Je suis venue parce que j'avais peur que vous partiez. Oui, eh bien, cette fois, je pars, c'est décidé. Non, ça ne peut pas continuer comme ça, vous comprenez? Je finirai par devenir complètement abruti. Je ne veux pas que vous partiez. Oui, mais nous n'allons pas reprendre cette discussion, idiote. Et puis laissez cette chemise tranquille. Vous avez déjà failli me la déchirer tout à l'heure. Moi? Oui. Vous? Mais vous êtes fou! Oui, enfin, c'est possible, mais. En tout cas, c'est pas à vous de me le reprocher. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Polo. Voyons, Polo. Elle me touche maintenant. Je crois qu'elle me touche. Oh! Ça va très mal. Polo, c'est moi, Colinette? Non, non, je te permettez. Je voudrais prendre une douche. Mais pourquoi ne voulez-vous pas croire que je suis ici? Parce que je l'ai déjà cru ce matin et que c'était une Dupré. Vous avez cru me voir ce matin? Oui, oui. Vous m'avez parlé. Vous m'avez dit que vous ne me laisseriez pas partir. Oh, Polo, c'est extraordinaire. Dans le train, en venant, je répétais tout le temps. Il ne partira pas, je ne veux pas qu'il parte. Mais oui, c'est ça, tout à fait ça. Je savais que je devais être ici avant 11 heures. Vous saviez? Oui, je savais qu'après, il serait trop tard. Que vous seriez parti sans laisser d'adresse. Hein? Un pressentiment que j'ai eu. Cela ne vous fait pas un peu peur? Peur? Non. Mais ça m'épate un peu tout de même. Prenez garde, vous allez me crever un œil. J'ai vraiment tellement besoin de savoir que c'est vous, pas un mirage. J'espère que vous le savez maintenant. C'est que, franchement, j'en ai un peu assez des rêves. Armand m'a dit en effet que vous rêviez beaucoup. Ah oui, beaucoup. Mais vous pouvez pas me le reprocher, vous en étiez toujours. Merci. Nous en avons fait des voyages ensemble. Et dans des pays où personne n'est jamais allé. Et où probablement, personne n'ira jamais que moi. Seulement, on se fatigue. Toujours la Lune, toujours la planète Mars, jamais Paris. On se fatigue de marcher sur des nuages, de s'éclairer avec des étoiles portatives et d'essayer d'entrer dans la ville bleue. La ville bleue? Vous connaissez la ville bleue? C'est-à-dire? Ah non. Bien entendu. Et tant mieux. C'est tellement beau. Après ça, j'aurais vraiment pas su où vous emmener en voyage de noces. Oh, en voyage de noces? Oui, oh, je sais bien que si nous nous marions un jour, peut-être que toutes les villes seront bleues. Espérons, en tout cas, qu'elles ne seront pas toutes aussi bien gardées. Vous savez que nous n'avons jamais pu y entrer, dans la ville bleue? Ah? Non, jamais. Il y avait toujours une chose ou l'autre. Un jour, j'étais trop lourd et vous étiez trop légère. Le lendemain, nous n'avions pas les papiers qu'il fallait. La vérité, c'est que le gardien ne pouvait pas nous sentir. Oh. Oui. Un jour, c'est très amusant, nous nous étions perdus dans la forêt pétrifiée. Et nous avons retrouvé notre route parce que le bonhomme de neige nous a indiqué le chemin de pierres précieuses. Et cette brute-là, elle m'a foutu un coup de canon! Vous vous trompez, c'était pas le même jour. Comment, c'était pas le même jour? Mais non! Le coup de canon, c'était le jour où il y avait le déluge! C'est vrai. Mais alors... Alors vous savez tout? Je sais tout. Alors... Alors vous connaissez la maison du bout du monde? Je la connais! Et l'homme au cheval de fer? Ah bah dites donc, il a été assez gentil pour moi! Vous vous rappelez la mort du parapluie? C'était horrible. Et le jour où vous me disiez, c'est pas drôle d'être une grande personne. Et où ils ont condamné à ne plus vieillir. Je me souviens. Ah oui. Vous vous rappelez le jour où vous êtes mis à danser devant l'homme au rayon X? Ah oui, Lionel. Ah, comment Lionel? C'était Lionel? Vous l'avez pas reconnu? Je l'ai jamais vu en squelette. Oh, il était pourtant facile à reconnaître. En tout cas, il nous a bien empêché d'entrer dans la ville bleue. Hein? Si le caillou n'était pas retombé dans votre lit... Je ne m'en plains pas. Vous en plaignez pas? Non. Pourquoi? Parce que... Votre rêve ne s'est pas arrêté là? Au caillou dans le lit? Ah non. Vous avez vu la suite? Ah oui. C'est pas possible. Ah si. Après que j'étais dans vos bras? Ouh là là, bien après. Jusqu'à quel moment, à peu près? Oh, écoutez, vous me gênez beaucoup. Oh, je vous assure que c'est encore plus gênant pour moi. Eh ben, jusqu'à l'histoire du grain de beauté. J'ai honte. Pourquoi? Je n'ose plus vous regarder. Écoutez, c'est pas votre faute. Si le caillou n'était pas justement retombé dans le lit, mais... c'est une excuse tout de même. Pas après l'éducation que ma mère m'a donnée. Surtout que même dans le rêve, nous n'étions pas mariés. Tout ce que je savais de vous, c'est que nous avions voyagé ensemble sur un caillou. C'est pas mon avis. Je sais tout de vous maintenant. Et vous savez tout de moi. Je sais qu'on nous a choisis. Qu'on nous a fait l'immense honneur de nous choisir. Pour un grand amour. Oui, oh. Ma tâche sera difficile. Il va me falloir vous faire aimer la vie, la simple vie. Évidemment, c'est moins pittoresque de voyager en autobus que sur un caillou volant. C'est plus amusant de demander sa route à un bonhomme de neige qu'à un sergent de ville. Et on ne vend malheureusement pas encore aux trois quartiers des robes faites avec l'écume de la mer. Non. Il n'y a pas de chemin de pierre précieuse dans la vie. Et je ne pourrais malheureusement pas payer notre dîner avec la grande ours, comme l'autre soir. J'aurais 3 000 francs par mois. Oh, ça. Eh ben alors, si ça n'a pas d'importance, c'est donc encore ce pari? Bien sûr. Alors j'accepte de vous avoir parié. Et je vous parie solennellement. Vous serez ma femme. Je vous obtiendrai par habitude, par enthousiasme ou par trahison. Et cette fois, c'est avec vous que je parie. C'est Lionel. Quoi, Lionel? Mais oui, je vous l'ai déjà dit, plus que tous les paris du monde, c'est Lionel qui nous sépare. Pas l'argent, le chagrin de Lionel. Ah, il va se rouler sur les tapis. J'ai pas peur. Donnez-moi un tablier de cuisine. Un tablier de cuisine? Oui, ou une robe de chambre, c'est quelque chose d'intime. Ah, parce que vous trouvez que c'est intime, un tablier de cuisine? Et un plumeau! C'est intime aussi, un plumeau? Bah, qu'est-ce que vous faites, là? Maintenant, écoutez-moi. Oui? Polo, depuis le soir... Enfin, depuis notre soir, je n'ai pas revu Lionel. Vous n'êtes pas parti en voyage avec lui? Non. Après cette terrible scène, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas rester chez lui. Et je suis partie. Mais vous n'êtes pas venue ici? J'avais pas envie. Comment trouvez-vous cette coiffure? Horrible! Parfait. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel, sans que personne ne sache rien. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Vous comprendrez plus tard. J'avais peur que lui ou vous me fassiez suivre. Ben, moi qui n'y avais pas pensé. Ah, regardez par la fenêtre. Hein? Vous verrez que je n'avais pas tort. C'est lui, la voiture noire, là? Non, lui, c'est le monsieur qui marche de long en large. Pendant 6 semaines, il ne m'a pas trouvé. Mais hier, je suis allée chez maman qui était souffrante. Et voilà le résultat. Et moi qui étais fou de chagrin de vous croire avec lui? Je vous demande pardon pour cette peine inutile que vous avez eue. Et vous ne l'avez pas revu? Pas une fois. Mais je lui ai écrit tous les jours chez son frère. Et quoi? Des choses. Souhaitez que je sache écrire les lettres. Ah oui? J'espère que je ne me suis pas trompée. J'espère que je le connais bien. J'espère que tout n'est pas perdu. Mais comment tout pourrait-il être perdu, puisque nous nous aimons? Car vous m'aimez, n'est-ce pas? Je vous le dirai plus tard. Allez. Oh non, mais là... J'en ai pas l'air, mais... Je comprends très bien, là. Oui, je vous suis parfaitement. Ah oui, le tablier de cuisine, la coiffure, le plumeau, cette façon très personnelle de faire le ménage, là. Ah non, mais c'est clair, ça, c'est parfaitement clair, là. J'ai... Non, mais je comprends très bien, là. J'ai tout compris, là. Et ne remontez pas avant un quart d'heure! Quoi? Pas avant un quart d'heure. De plus en plus clair, hein? Tiens, mon chapeau du déluge. Tu me l'avais écrit, mais je pouvais pas le croire. Bonjour, Lionel. Ma pauvre Colinette. Quelle dégringolade. Bouffe. Tu vis ici? Oui. Et tu vas l'aimer toujours, plus un jour, là-dedans? Ma foi, oui. Et c'est toi qui fais le ménage? Eh ben, tu vois. La femme que nous avons ne peut venir que 3 fois par semaine, alors les autres jours, c'est moi, nécessairement. Ma pauvre Colinette. Ah oui, ben, ne répète donc pas tout le temps la même chose, assieds-toi plutôt. Où? Oui, c'est vrai, excuse-moi. Tu sais, l'ordre et moi, hein? Toi qui n'avais pas trop de 2 femmes de chambre. On vit très bien sans ordre, tu sais. Oh, c'est... C'est épouvantable. Bon, c'est gai. Et depuis 6 semaines, Tu vis là-dedans? Oui. Toi qui trouvais notre villa trop petite... Ah ben on se serre un peu. Oui, mais avec moi, tu voulais pas te serrer. Ah ben, il n'y avait pas de raison. Combien as-tu de pièces? Hein? Ah oh ben, c'est assez grand, tu vas voir. Alors là, eh ben, comme tu peux t'en assurer, c'est la chambre. Oui, bon, ben, ça va bien. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est la cuisine, naturellement. Ben, pourquoi dis-tu ça? Puisque c'est la salle de bain? Non, mais je le plaisantais. Alors, il faut traverser tout l'atelier pour aller de la chambre à la salle de bain. Oui. C'est pratique. Hein? Bon, tu sais, au bout de quelques jours, on n'y fait plus du tout attention. Et la cuisine donne sans doute dans la chambre. Oui. Tout le confort. Là, évidemment, ça sera plutôt le genre quand on est en Espagne. Et depuis 6 semaines, tu n'es pas sortie. Comment le sais-tu? J'avais quelqu'un en observation ici, oui. Je voulais me tenir au courant de ce que tu faisais. Et depuis 6 semaines, il ne t'a pas vu. Et le concierge lui-même n'a pas l'air de te connaître. Oh oui, c'est vrai, je ne suis pas sortie souvent. Non, mais ce qui est le plus bizarre, c'est que ni l'un ni l'autre ne t'ont vu aller chez ta mère hier. Tiens. Tu te plais tant que ça ici? Tu sais, il y a beaucoup de travail quand on veut tenir sa maison, surtout avec les repas. Ah, parce que c'est toi qui fais la cuisine. Bien entendu. C'est épouvantable. Oh, c'est intéressant. Bah, en tout cas, ça t'a pas trop abîmé les mains, hein? Non, mais c'est que je me décante quelque chose. Ah, tu sais ce qu'il faut me dire pour me décourager. Hein? Oui, hein? C'est depuis que tu es partie, chacune de tes lettres a été pour moi une déception nouvelle. N'est-ce pas? À chaque fois qu'on m'apportait un mot de toi, boulevard Suchet, mon frère me voyait verdir. Mais j'étais gentil pourtant, mes lettres. Oui, au trait, mais d'une gentillesse tellement décourageante. Et puis, ne pas pouvoir y répondre. Ah, là, oui, ah ça, c'était le pire. 20 fois, j'ai eu envie de venir ici pour discuter avec toi. Mais non, j'avais trop peur que tu n'écrives plus et que nous soyons tout à fait fâchés. Je n'aurais rien fait. Tes lettres, tu comprends, pour moi, c'était du poison, mais j'avais l'impression qu'elles me faisaient du bien. Tu vois du poison dans les remèdes. Mais alors, ce qui m'exaspérait, c'est que sous l'influence de cet abruti, je te sentais devenir une femme différente. Nécessairement. Chaque jour un peu plus. Et il faut bien que je te l'avoue, cette femme-là ne me plaît pas beaucoup. Dommage. Oui, tu vois, tu aurais mieux fait de ne pas m'écrire. J'aurais au moins gardé une belle image de toi. Que veux-tu? Tu n'es même plus jolie. Non, hein, plus du tout. Oh, et ce chapeau qui te... Écoute, c'est pour mettre dans les cauchemars, ça. Ouais. Quand je pense à la femme que tu étais... Bon, une poupée, un mannequin. Et c'est toi qui fais la cuisine? Oui. Marc, une chose qui me console, c'est la tête qu'il doit faire en la mangeant. Ça, c'est son poison à lui. Tu vois, tu voudrais me dégoûter de toi, tu n'agirais pas autrement. Mais tu es dégoûté de moi, mon pauvre Lionel. Oh non, pas encore. Mais si, évidemment tu résistes, tu veux te comporter en homme du monde. Mais je me comporte en homme du monde. Mais qu'est-ce que je te reproche? Comporte-toi en homme, sois un peu égoïste, bon Dieu. C'est facile à dire. Enfin quoi, tu as été parfait avec moi, il ne faut pas l'oublier. Ah mais je ne l'oublie pas. Qu'est-ce que j'étais avant de te connaître, hein? Une fille sans le sou. Et bien maintenant, ça me plaît d'en devenir une fille sans le sou. Eh bien, tant pis pour moi. Mais non, justement. Mais à ce moment-là, tu avais une excuse. J'étais jolie. Maintenant, je ne le suis même plus. Alors, qu'est-ce que tu regretterais? Mais il n'y a pas que la beauté. Mais qu'est-ce qu'il y a, alors? Qu'est-ce que je suis, hein? Une folle, d'abord, et une ingrate, ensuite. Mais je ne te demande pas de gratitude. Mais c'est le tort que tu as. Enfin, quoi, Tu n'as donc pas lu mes lettres? Oh, si, hélas. Eh bien, tu ne peux pas encore aimer la fille qui a écrit ces lettres-là. Ah, j'avoue qu'il y a des moments où je te déteste. Oh, ben non, c'est trop. Comment c'est trop? Mais oui, le mépris, c'est bien assez, ça ne mérite que le mépris. Mais tu ne fais rien de méprisable. Tu quittes un homme très riche pour un garçon sans fortune et sans avenir. Mais il n'est pas si pauvre que ça. Il attend un gros héritage. De qui? Hein, je sais pas. Non, mon père, il t'expliquera. En somme, si j'ai bien compris tes lettres... Entre vous, c'est surtout une question physique. J'ai peut-être eu tort de te dire ça. Ah, mais non, parce que vois-tu, ça c'est vraiment la chose qui m'a détaché de toi. Ah. Ah oui, parce que je suis pas plus Don Juan qu'un autre, hein, mais quand je pense qu'avec moi, 3 jours par semaine, tu avais la migraine, et que tu restais allongé les autres jours, alors ça... Que veux-tu? Ça, tu comprends, c'est épouvantable. Tu ne m'aimes plus, Lionel. Aussi. Je t'aime encore, mais tu es un peu écœuré. Tu m'aimes plus du tout. Mais ne m'agace pas, je te dis que c'est... Mais c'est de l'entêtement, c'est parce que tu ne veux pas avoir l'air d'une girouette. Oh. Mais regarde-moi, hein. Et dis-moi ce que tu feras dans les salons de la femme que je suis devenue. Oh, bah évidemment, ah. Avec ce tablier, ah, c'est... Ça sera du joli. Ah, je te ferai honneur. Tandis qu'Armande, tiens, voilà quelqu'un qui porte bien la toilette. Voilà quelqu'un qui n'est pas égoïste et qui t'adore, qui ne gâte rien. Hein? Parlons-en, elle n'est pas venue me voir une seule fois. Oh, pas un coup de téléphone, rien. Oh, pure coquetterie. Puis d'ailleurs, elle ne savait pas où tu étais. Et ben, je ne vois pas ce qu'Armande vient faire là-dedans. Dis, mon petit Lionel chéri, dis que tu m'aimes plus. Non. Je pourrais pas être heureux si je sais que tu m'aimes encore. Dis donc, ça t'a pas beaucoup gêné jusqu'ici. Non, je veux un bonheur tranquille et calme. Toi seul peux me le donner. Sois parfait comme d'habitude. J'en ai un peu assez d'être parfait. Allez, dis gentiment, je ne t'aime plus. D'ailleurs, si ce n'est pas encore tout à fait vrai, ce sera dans une minute. Oui, je ne voulais pas te le dire encore, mais je vais te porter un nouveau coup. Ça n'est guère possible. Oh, si. Et le dernier. Je vais être mère. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais être maman. Il n'y a malheureusement plus de doute, hein. Le docteur a été formel. Déjà? Bah, que veux-tu, c'est notre seule richesse à nous. Un bambin qui gazouille sur les genoux de sa mère. Et tu parles déjà comme ça? Tu vois bien que tout nous sépare. Ah oui? Alors là, tout alors. Ah! Ah, vous voilà, vous. Mes compliments, vous perdez pas de temps, hein. Un quart d'heure? Et qui sera le parrain? Le parrain de qui? Elle m'a tout dit, alors ne faites pas le rigolo. Oh, bah c'est curieux, vous me dites toujours ça. Je ne sais pas, c'est une surprise. Ah, bah là, vous voyez, c'est une surprise. Bon, en tout cas, pour l'héritage, il sait. Ah oui, ça, oui. Bon, alors, je vous félicite pour l'héritage. L'héritage. Enfin, si ça t'amuse de vivre avec un idiot. Ah, écoutez, vous n'allez pas reprendre ce genre d'habitude, je le félicite pour l'héritage, mais ça me donne une raison de plus de m'assurer qu'il ne sera pas heureux avec mon argent. Mais bien sûr. J'avais apporté, sans intention précise, mais à toute fin utile, un petit papier. C'est une formule de désistement par laquelle tu renonces à tous tes droits sur les biens de la communauté. J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que tu la signes. Oh, d'aucun, aucune sorte, moi. Mais lis-la attentivement. Je la ferai reprendre demain. Tu vois bien que tu ne m'aimes plus. Oh. Maintenant... Non, non, mais c'est très bien. C'est parfait. Je te remercie. Et lui aussi. Moi aussi. À tout hasard. Mais une gentillesse en vaut une autre et... Puisque vous devez être heureux ensemble malgré moi, bah, j'aime autant y être pour quelque chose. Bah, écoute-moi bien, Colinette. Ce n'est pas lui qui a parié. Tout le monde me croyait sous la douche, mais j'en étais déjà sorti. C'est Rivière qui a tout organisé et qui nous a jeté monsieur dans les jambes. Et moi, comme un crétin. Au lieu de réfléchir, au lieu d'avoir peur, je l'ai invité à la soirée. J'avais tellement confiance en toi. Tu m'excuseras. Mon vieux Lionel. Tiens, vieux Lionel aurait dû savoir qu'on ne joue pas avec le feu. C'est ma très grande faute. D'ailleurs, nous n'étions pas vraiment faits l'un pour l'autre, puisque nous avons été séparés par une bêtise pareille. En tout cas, dites bien à M. Rivière qu'il a perdu son pari, parce que je ne suis pas cocu, je suis abandonné. C'est tout autre chose. Adieu, Colinette. Et demain, pense au petit papier. Mais c'est la providence, cet homme-là. Et il faut reconnaître une chose, il est beaucoup mieux comme ça qu'en rayon X, hein. Eh ben, quoi, ben, qu'est-ce qu'il y a? Colivette, ma chérie, ben, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Quoi? Nous nous aimons, il ne t'aime plus. Nous allons être heureux. Je vois pas ce qu'il y a de si terrible. C'est rien. C'est passé. Tu le regrettes tellement? Et tu ne vois même pas à quel point je t'aime, ingrat. J'ai fait pour toi une chose, la plus difficile et en tout cas la plus horrible. J'ai tué l'amour de quelqu'un. Je l'ai tué moi-même, jour après jour, pendant 6 semaines. J'avais l'impression d'étrangler. Ce que j'ai pu lui en donner, de faux espoirs, de fausses craintes. Ce que j'ai pu lui raconter de mensonges. Je lui ai même dit que toi et moi, nous allions avoir une petite Elisabeth. Quoi? Oui, c'est de ça qu'il te félicitait tout à l'heure. Comment? Tu lui as dit que nous vivions ensemble? Que tu l'avais trompé? Oui. Bon, alors, si tu le disais, pourquoi ne pas le faire? Parce que si j'avais été avec toi, j'aurais été égoïste. Je n'aurais pas su choisir mes mots, je n'aurais pas su écrire mes lettres. Je lui aurais raconté mon bonheur au lieu de l'inventer, je l'aurais rendu fou de moi. Tandis qu'il se félicite maintenant de m'avoir perdu. Quelle technique! Épuisante en tout cas. Ma petite femme fatale. Il faut si peu de choses pour être fatale. Un mot de trop, un regard de moins. Bon, et dis donc. Et si on regardait son petit papier, là? Donne-moi ton stylo que je signe. On ne le lit pas avant? Si tu y tiens. Ah, oui, j'ai l'impression que ça ne doit pas être mal du tout, moi. La sous-signée déclare par les présents. Ah, bah, tu vois, ça commence bien. Faire abandon de ses droits sur tous immeubles par nature ou destination, sur tout meuble tel que meuble meublant. Ouh là, tu abandonnes les meubles meublants? Et d'une manière générale, sur tous les biens et droits réels ou personnels, corporels ou incorporels. Les incorporels aussi? Oh non, je t'en supplie, pas les incorporels, hein? Justement, les acquêts ou conquêtes. Oh, les conquêtes. Je dis bien les conquêtes de communautés ou faisant partie d'elles. Je t'adore. Il est toutefois entendu, conformément aux dispositions de l'article 1492 du Code civil. Oh là là, quelle chance, c'est le meilleur, celui-là. Que la sous-signée pourra conserver ses linges et hardes. Oh, Théarde, ma chérie, nous avons droit à Théarde. Et de tout ce que dessus, la sous-signée donne pleine et entière acceptation. C'est tout? Oui, c'est tout. Laisse-moi signer aussi. Ça ne te fait pas? Oh, si, je t'en prie, laisse-moi signer, dis. Qui voit bien que nous renonçons à ces misérables millions? Si tu y tiens. Ah, oui. Et maintenant, espérons que le bonhomme de neige sera tout de même un peu là pour nous indiquer la route. Mesdames, mesdemoiselles,